Nous étions la seule partie à respecter les accords de Minsk. Tous les restes ne faisaient rien. Évidemment, ils agissaient sous la houlette américaine. Et si vous dites que la Grèce et les Chypre en souffrent aussi, en fait, je ne sais pas ce qui cause plus de souffrance à la Grèce. Parce que de notre côté, avec des Chypriotes, avec des Grecs, nous avons toujours eu des rapports d'amitié. Et bien sûr, il y avait des différends avec les autorités de ces pays-là. En tout cas, ce que je viens d'évoquer, c'est la politique qui s'est menée pendant des années. On s'accumulait des renforts pour déployer cette guerre. Afrique Média, le monde, c'est nous.